Chapitre 5e. Robin, le vieux nègre, firent tant et si bien, s'escrimèrent d'une telle façon contre le tronc du Bemba, qu'après avoir taillé, coupé, brûlé, rogné, creusé, poli, la pirogue se trouva prête. Le gréement ne fut ni long ni difficile. Deux petits bancs, en bois de génipa, très légers, très résistants et faciles à travailler, furent posés en travers de la coque et encastrés, à queue d'aronde, dans les deux plats-bords. Tous deux furent percés à jour d'un trou ayant environ 5 cm de diamètre et pouvant au besoin permettre l'adaptation d'un petit mât de bambou. Bien que les riverains du Maroni, nègres et peaux rouges, aient l'habitude d'aller presque exclusivement à la pagaie, il n'est pas rare, quand ils naviguent sur les grands cours d'eau, de les voir hisser en guise de voile une natte de paille lorsqu'ils ont vent arrière. C'est leur unique façon de profiter de la brise, car ils ignorent absolument la manœuvre de la voile. Quand ils n'ont pas de natte et que le vent souffle, ils sautent à terre, coupent des branches de waï, de makoupi, de bâche ou de barlerou et les dressent devant la brise. C'est là une voilure économique très peu encombrante et nécessitant une science nautique fort élémentaire. Ces cas où le vent arrière peut servir d'aide à la pagaie sont limités aux grands fleuves. Ils sont assez rares, car les Indiens et les Noirs habitent de préférence les lieux baignés par les petites criques et encaissé par deux murailles de verdure interceptant le moindre souffle d'air. Nos deux amis comptaient bien, au besoin, établir une voile avec le grand hamac de Casimir tissé par les bonnies en excellente toile de coton. Restait la question des pagaies. Grave question. Il n'appartient pas au premier venu de fabriquer, secundum artem, cet indispensable engin de navigation. Les pagaies sont de trois sortes. Les Indiens en emploient deux modèles, l'un figurant assez bien une bassinoire emmanchée, dont le récipient, aplati, ne serait pas plus épais que la main, l'autre semblable à une pelle de boulanger à manche très court. Elles sont bien inférieures l'une à l'autre à la grande pagaie des Bonny et des Bosch, canotiers incomparables, qui peuvent, n'en déplaise aux lauréats du Rowing Club, nager pendant 30 et 40 jours. Haute de 2 mètres à 2 mètres 30, cette pagaie a une belle forme lancéolée. Le manche, long d'un mètre, légèrement aplati à la base, se renfle au milieu, acquiert la grosseur d'un goulot de carafe, s'aplatit de nouveau, s'élargit doucement en une courbe gracieuse, donnant naissance à la palette, qui n'a pas plus de 12 cm de large, sur un demi seulement d'épaisseur, et se termine enfin en une pointe analogue à celle des feuilles d'iris. Rien d'élégant, de gracieux, de fin, et pourtant de solide comme cet instrument, que l'on est tout étonné de voir fabriquer avec un simple sabre d'abattu. C'est à cette dernière forme que Casimir donna la préférence, tout en manifestant son profond mépris pour les pagaies indiennes plus lourdes, moins maniables et moins jolies, quoique ornées de très curieux dessins faits au moyen du suc de génipa. Le bois employé par excellence est le yarouri, appelé pour cette raison bois haram. Le bonhomme voyait juste et loin, quoiqu'il n'eût qu'un œil. Il eut bientôt découvert un yarouri superbe, qui fut abattu par le procédé employé jadis pour jeter à terre le Bemba. Chose curieuse, et qui montre combien sont observateurs ceux que nous appelons des sauvages, ce bois se fend presque sans effort, ou plutôt se décolle en planches d'une longueur indéfinie et épais seulement comme la main. Il se travaille avec une incroyable facilité quand il vient d'être abattu, et acquiert en peu de jours, par le séchage, une dureté sans pareille, tout en conservant une grande élasticité. Les doigts crochus du vieillard, insuffisants pour un travail de force, maniaient le sabre d'abattu avec une surprenante habileté. Il procédait par petits coups secs, bien mesurés, détachait de minces copeaux, tapotait toujours, n'enlevant jamais trop, et finissait par donner à sa planche la gracieuse forme de la pagaie ébony. Il mit 4 jours à en confectionner 2 paires, voulant en avoir au moins une réserve en cas d'accident. Ses préparatifs achevés, à la grande joie des 2 solitaires, Robin aurait volontiers approvisionné séance tenante l'embarcation et se répartit sans désemparer, mais il attendait avec impatience le retour du forçat. Grondet tardait bien à revenir. Plus de 3 semaines s'étaient écoulées depuis son départ, et le proscrit, qui n'était plus distrait par l'écrasant labeur de chaque jour, trouvait aux heures une longueur interminable. C'est en vain que le bon Casimir s'ingéniait de toute façon, lui racontait toutes les belles histoires logées dans les impérissables casiers de son étonnante mémoire, il l'emmenait à la chasse, lui apprenait le maniement de l'arc, et l'initier à toutes les subtilités de la vie sauvage. Un morne ennui rongeait le malheureux. Qui sait ce que pouvait être devenu le chercheur de bois, au milieu de ces solitudes sans fin, peuplées de fauves, hérissées d'obstacles, parsemées d'invisibles abîmes, hantées par les maladies. « Allons, » disait-il en poussant un profond soupir, « c'en est fait, nous partirons demain. »« Non, compé, » répliquait invariablement le noir. « Ou capagin patience, tendez petit mosso. Li pagin un sautant à Lévini. Vous n'avez pas de patience, attendez un peu. » Il n'a pas eu seulement le temps d'aller et de revenir. Le lendemain arrivait sans rien changer à la situation. On avait essayé la pirogue. Sa stabilité, en dépit de son faible tirant d'eau, était parfaite. Elle évoluait admirablement sous l'impulsion de Robin, qui avait rapidement acquis le tour de main particulier, nécessité par la difficile manœuvre de la pagaie. Casimir se tenait à l'arrière. Il barrait et pagayait. Ce poste demande une moindre dépense de force et exige une grande habileté. En effet, les canots indigènes, de simples coques, sans quilles, rondes en dessous, chavirent avec une extrême facilité et obéissent à la moindre pression. Disons tout d'abord que la pagaie est moins rapide que la rame, mais que l'emploi de cette dernière est impossible dans les criques, eu égard à leur peu de largeur. Comment en effet nager avec des avirons d'au moins 2 mètres, ce qui donne un développement de près de 6 mètres, dans les cours d'eau souvent larges de 4 ou 5, et dont les berges disparaissent sous un inextricable enchevêtrement de lianes et de plantes aquatiques. Avec la pagaie, au contraire, on peut circuler à l'aise dans une crique de moins de 2 mètres. L'homme, en effet, prend son point d'appui sur ses bras, et non pas sur le bord de l'embarcation. Il saisit à cet effet le manche de son instrument à 2 mains, la gauche en haut quand il nage à tribord, la droite en haut quand il nage à bâbord, en laissant entre ses poings un espace d'environ 50 cm. Il enfonce alors verticalement dans l'eau, le long de la coque, et en évitant de la toucher, la pagaie jusqu'à ce que la palette disparaisse. Puis, il appuie la main placée en haut en opérant une poussée sur le sommet du manche, pendant que la main placée en bas, au ras de la palette, exécute un mouvement de traction et sert de point d'appui. C'est un simple levier. Le canot, sollicité en avant, glisse sur l'eau et avance assez rapidement. Les pagayeurs opèrent tous la même manœuvre, y compris le barreur, qui doit de plus, pour donner la direction, imprimer de temps à autre à la pagaie des mouvements de godille. Un autre avantage, c'est que contrairement à l'équipage des bâtiments à rames, celui d'une pirogue a le visage tourné à l'avant. Casimir, pour faire patienter son compé, l'avait minutieusement initié à toutes ses manœuvres. L'élève était maintenant passé maître, et sa vigueur herculéenne ainsi que son énergie devaient lui permettre de nager presque indéfiniment. 5 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Gondet. Robin, complètement désespéré, allait quitter la paisible demeure du lépreux quand la veille même du jour irrévocablement fixé pour le départ, le transporté, pâle, maigre, se soutenant à peine, fit son apparition dans l'abatis. 2 exclamations de joie accueillirent son arrivée. « Enfin ! Ah, mon pauvre garçon, que vous est-il donc arrivé ?» demanda le proscrit en le voyant dans un pareil état. « Ne m'en veuillez pas d'avoir autant tardé, » dit-il d'une voix éteinte, « mais j'ai cru mourir. Je n'ai pas été reconnu malade par le docteur et Benoît, qui peut à peine se traîner, m'a roué de coups. On m'a mis alors à l'hôpital, et pour tout de bon, allez, mais Benoît me le paiera. » « La lettre ?» demanda anxieusement Robin, « la lettre ?»« Bonne nouvelle !» J'ai eu mieux que je n'espérais. Parlez, dites-moi ce que vous savez. » Le transporté se laissa tomber, plutôt qu'il ne s'assit, sur un tronc renversé, tira son petit carnet et en sortit un morceau de papier qu'il tendit à Robin. C'était la lettre écrite par sa femme au 1er janvier dans la mansarde de la rue Saint-Jacques, ou plutôt, c'était la copie de cette lettre. Il lut avidement, d'un trait, d'un regard, puis recommença. Un tremblement convulsif agitait ses mains, puis ses yeux s'obscurcirent, un rauque sanglot déchira sa gorge. Cet homme de fer pleura comme un enfant. Larmes de bonheur, rosée bénie, seule manifestation de la joie chez ceux qui ont trop souffert. Le noir inquiet n'osait interroger. Robin ne voyait plus, n'entendait plus. Il relisait à haute voix, maintenant, répétait à satiété les noms chéris de ses enfants, se retraçait par la pensée la scène qui avait précédé la rédaction de la lettre, vivait un moment au milieu des bien-aimés absents. Casimir écoutait, les mains jointes, pleurant aussi. « Ça bon, » murmura-t-il, « bonne madame, gentil petit moun, mot content. » Robin s'arracha enfin à son extase et, se tournant vers le forçat, lui dit doucement « Vous avez fait là une bonne action, Gondet, je vous remercie, de tout mon cœur. » Le malheureux, secoué par la fièvre, balbutiait « Oh, ça n'est vraiment pas la peine. Vous m'avez bien sauvé la vie, vous. Puis vous m'avez parlé comme un homme. Moi, tombé si bas. Vous m'avez montré comment supporter héroïquement une infortune imméritée. Quel exemple pour un coupable. J'ai appris le repentir. Bien cela, continuez. Et surtout pas de vengeance contre celui qui vous a frappé. Vous serez d'autant plus fort dans vos résolutions. » Le transporté baissa la tête et ne répondit pas. « Mais cette lettre, comment avez-vous pu vous la procurer ?»« Ça a été tout simple. Ces gens de police sont bien les plus naïfs qu'on puisse voir. »« On l'avait tout bêtement mise avec votre dossier. Le garçon de bureau n'a eu qu'à l'enlever pour un moment, il me l'a apporté, j'en ai pris copie, puis l'a remise en place, et puis c'est tout. »« J'aurais bien pris l'original, mais vous n'auriez peut-être pas voulu d'une chose volée, bien qu'elle vous appartint. Et d'ailleurs, la soustraction de ce papier eut attiré l'attention sur vous. » Vous seul y avez intérêt. Car, il faut bien vous le dire, votre évasion a mis tout le pénitencier sens dessus-dessous. On a parlé du renvoi de Benoît. Il y a eu enquête sur enquête. Heureusement que l'on commence à vous croire mort. Sauf peut-être ce surveillant de malheur. Aussi, cachez-vous bien. Me cacher. J'ai mieux que cela à faire maintenant. Rien ne m'attache plus à ce sol maudit. Je veux fuir bien loin. Dire adieu pour jamais à cet enfer. Dès demain, nous partons. « Tu entends, Casimir ?»« Ça même, » fit le noir. « Mais, » reprit vivement le forçat, « vous ne le pouvez pas en ce moment, du moins dans votre canot. L'embouchure de la crique est encombrée de travailleurs et les surveillants redoublent de vigilance. Attendez au moins que je trouve d'autres essences de bois exploitées, que le chantier se déplace un peu. Nous partons quand même, vous dis-je. C'est impossible, écoutez-moi, patientez une semaine. Vous ne voyez donc pas que je meurs ici, minute par minute ?» qu'il faut à tout prix sortir, fût-ce par la force. Mais vous êtes sans armes, sans argent, pour faire face à vos dépenses en pays civilisé. Ah, faut-il être aussi près du but, sans pouvoir briser les dernières entraves? Eh bien, soit, nous attendrons. À la bonne heure, dit avec empressement le forçat, qui se préparait à rentrer au chantier. Non, ou capal et cabas, ou manger. Oh, je n'ai pas besoin de grand-chose avec la fièvre qui me ronge, surtout. Ou capran? Un sautit morceau batoto. Prenez seulement un peu de batoto. Ça a bonbon pour couper fièvre par ses coups de sabre. Ça vous coupe la fièvre comme d'un coup de sabre. Robin vit que les refus du pauvre diable provenaient de l'insurmontable dégoût causé par l'idée du contact, même indirect, du lépreux avec les ustensiles du ménage. Allons, venez, il ne serait pas prudent de vous mettre en route pendant l'accès. Je vous préparerai l'infusion. Il accepta alors de grand cœur, avala avec force grimace l'horrible et salutaire breuvage. Puis, il partit en emportant une bonne provision de feuilles, et non sans renouveler aux deux solitaires, avec une insistance toute particulière, sa recommandation de retarder leur départ. Il fallait d'ailleurs une semaine au moins pour préparer l'approvisionnement. Nous l'avons déjà dit, les voyageurs ne doivent pas compter sur ce qu'ils pourront rencontrer en route, mais uniquement sur ce qu'ils emportent. Robin en avait déjà fait la cruelle expérience. Heureusement que la bâtie du vieux nègre était là, ses produits constituaient une incomparable ressource. Il était urgent de fabriquer tout d'abord le couac ou farine de manioc, qui devait être l'élément essentiel de l'approvisionnement. On verrait ensuite à prendre le poisson et à le boucaner. Le proscrit n'avait que des notions vagues, autant dire nulles, d'hommes civilisés sur la plante et sur son emploi. L'alimentation des forçats se composant de farine et de légumes secs arrivés d'Europe, il n'avait mangé le couac et la cassave que depuis sa cohabitation avec le lépreux, et comme la manipulation de ce produit ne s'opère que de loin en loin, il en ignorait le procédé et surtout les lenteurs qu'il comporte. Il connaissait les noms latins de cette plante, aussi utile aux habitants de l'Amérique équatoriale que le blé à ceux des nations civilisées. Mais savoir que le Jatropha maniot euphorbicoa de Linné, le même que le maniot utilissima de Paul, et monoïque et monadelphes ne suffisaient pas à la confection de la précieuse farine. Heureusement que l'homme de la nature était là, avec son matériel. « Eh ben, compé, nous qu'à grager manioc, Kaba. Nous allons d'abord grager le manioc. Grager, qu'est-ce que cela pouvait bien être? On avait arraché la veille et l'avant-veille une ample provision de racines de manioc et les grosses masses tuberculeuses, dont quelques-unes atteignaient le volume du mollet, formaient sous le hangar un monceau respectable. Le vieillard prit dans un coin un morceau de bois de fer, long de 50 cm, large de 10, et pourvu, sur une de ses faces, de dents écailleuses sculptées au couteau et figurant une râpe. « Ça, grage. »« Très bien. Et que me faut-il faire ?»« Grager racine pour faire farine. »« Mais, » reprit Robin, en saisissant d'une main l'instrument et de l'autre une racine, « si c'est le seul procédé, j'en aurai bien pour un mois. »« Parce que vous pas savez. » Et le bonhomme, ravi de pratiquer ex professo, arc-bouta le grage sur la poitrine de son élève et sur un des montants de la case, puis lui mit, après l'avoir pelé, une racine entre les deux mains et lui dit « Allons, ou qu'à grager ?» Et Robin fit énergiquement glisser sur sa râpe le tubercule farineux, qui s'émietta facilement et tomba comme de la sciure de bois mouillé sur le sol recouvert de larges feuilles. « Ça même, » reprit Casimir, en lui en passant encore une, dont il enleva la peau avec son couteau. L'apprenti, qui possédait indépendamment d'une grande vigueur une égale bonne volonté, fit en quelques minutes des progrès surprenants. Il râpait à tour de bras, et la pulpe humide forma bientôt à ses pieds un amas considérable. Casimir devait de temps en temps modérer son ardeur, dans la crainte qu'un faux mouvement ne fît porter ses mains sur les dents du grage. Une écorchure en fut aussitôt résultée, et le contact du suc laiteux s'écoulant de la pulpe eut produit de graves accidents. « Ou mourir, compé, s'il y touchait Bobo la main. »« Sois tranquille, mon brave. » Puis il ajouta, en aparté, « Si je suis novice en pratique, je suis ferré sur la théorie. Je n'ignore pas que le manioc frais contient un suc volatile très vénéneux. Des chimistes l'ont distillé et en ont tiré un liquide dont quelques gouttes appliquées sur la langue d'un chien ont amené la mort de l'animal. Boutron et Henri, si je ne me trompe, prétendent que c'est l'acide cyanhydrique. C'est égal. Je serais curieux de savoir quel procédé tu vas employer pour débarrasser notre farine de cette mauvaise substance. » Ce ne fut ni long ni difficile. Un long instrument d'apparence bizarre, ouvert en haut, fermé en bas, et rappelant assez bien un gros serpent, ou plutôt la peau d'un serpent, était accroché à une des solives de la case. Cet engin, finement tressé en fibres corticales d'aruma, Maranta aronidicoa, d'une solidité à toute épreuve, avait au moins 2 mètres et sa perméabilité au liquide était parfaite. Robin avait plusieurs fois demandé à son hôte ce que c'était, et Casimir avait invariablement répondu « Ça, bête-là, couleuvre à manioc !» Les explications qui avaient suivi furent tellement embrouillées que Robin n'y avait rien compris. Il allait donc apprendre l'usage à « ça, bête-là !»« On prend farine, mettre au lit dans bagage-là !» Prenez la farine et mettez-la dans cette machine-là. Il obéit et entonna la pulpe humide jusqu'à ce qu'elle affleura l'orifice supérieur. La couleuvre, gonflée à éclater, avait des attitudes de bois repu qui seraient restées accrochées par les crocs pendant le laborieux travail de la digestion. À la partie inférieure, on voyait une anse également en aroma et dont le proscrit comprit bien vite la destination. Sans même demander avis au noir, il passa dans cette anse un long et dur morceau de bois, appuya un des bouts sous un des montants de la case, pesa sous l'autre extrémité en formant un levier puissant et l'amarra solidement. Sous cette énergique pression, le liquide vénéneux perla de tous côtés à travers les tresses et coula bientôt en un filet continu. Casimir était positivement ravi. « Oh, compé, compé, ça, bon, bon. Où fit un aiguille ? Ça, très bien, nous voilà passés nègres. » Robin, sensible à cet éloge renfermant le summum de considération qu'un blanc puisse acquérir, reprit son grage et recommença de plus belle. Le liquide cessa peu à peu de couler de la couleuvre, et le bonhomme, qui ne restait pas non plus inactif, retira la farine, formant comme un bloc, tant la pression avait été énergique. Il étala en plein soleil, sur des feuilles, cette belle farine, blanche comme celle que l'on fabrique avec le froment, mais grosse comme de la sciure de bois. Elle était, après 2 heures d'exposition, aussi sèche que de l'amadou. Pendant que son compagnon grageait toujours avec ardeur, le noir prit un tamis de moyenne grandeur, appelé manaret ou aruma, et passa la provision tout entière, afin d'extraire les débris de pulpe qui s'y trouvaient mêlés. Le travail ainsi commencé, les rôles ainsi distribués, La besogne continua les jours suivants, mais avec variante. La préparation de cette manne équatoriale exige encore d'autres manœuvres. Robin grageait toujours et mettait la couleuvre en pression, puis Casimir, après avoir séché et tamisé la farine, étendait celle-ci sur une large plaque de tôle chauffée en dessous par un feu doux et l'agitait sans cesse avec une palette de bois. De cette façon, non seulement les dernières molécules du suc vénéneux étaient volatilisées, mais encore l'eau interposée se vaporisait. La substance alimentaire, parfaitement pure, restait à l'état de granules irréguliers, durs, secs et absolument inaltérables quand on les conserve en vase bien clos. C'est ce que l'on nomme le couac, qui forme avec la cassave la base de la nourriture de toutes les peuplades de la zone torride américaine. Il se mange en guise de pain. Il suffit de le délayer avec un peu d'eau dans un coin, et l'on a une bouillie jaunâtre, épaisse, savoureuse, très nourrissante, à laquelle les Européens s'habituent bien vite. La cassave diffère du couac tant par l'aspect que par le dernier tour de main. Au lieu de remuer la farine avec une palette, on entoure la plaque, nommée platine, d'un rebord circulaire de 3 cm de hauteur. On le remplit de farine, qu'on le laisse prendre comme une crêpe. On retire alors le moule et l'on déplace sans cesse la galette pour l'empêcher de brûler ou de s'attacher. Quand elle est cuite des deux côtés, on l'expose au soleil. On en empile l'une sur l'autre jusqu'à 5 ou 6 douzaines. Ce travail, on le voit, est le plus essentiel de tous, le seul peut-être auquel les bons sauvages, paresseux avec délice, ne peuvent se soustraire. Aussi, dans leurs inexplicables et fréquentes migrations, le bagage par excellence est-il le grage, la couleuvre et surtout la platine de tôle importée de temps immémorial par les Européens, qui constitue un objet d'échange très recherché et qu'ils se lèguent de génération en génération. La possession d'une platine est une fortune, sa perte est une calamité. Certains villages, enfermant 30 à 40 individus, n'en possèdent souvent qu'une seule, rappelant assez bien le four banal du Moyen Âge. Les deux compagnons mettaient à la préparation de leurs aliments un acharnement analogue à celui qu'ils avaient déployé lors de la fabrication du canot. C'est qu'ils en sentaient l'importance. Rien, en effet, ne saurait remplacer le couac. On sait que le froment ne pousse pas sous l'équateur, ou plutôt sa croissance est tellement activée par le soleil, que le grain ne peut se former. Le blé n'est qu'une sorte de chien-dent stérile. La ration de couac affectée à la subsistance d'un homme valide étant calculée par jour à raison de 750 grammes, c'était 1,5 kg que les deux solitaires devaient emmagasiner. Leur voyage durait au moins 3 mois. Il leur fallait donc un minimum de 135 kilos. La prudence leur conseillait d'en préparer 160 pour les besoins imprévus. C'était, on le voit, une rude besogne qui leur prit, en dépit de la fiévreuse activité de Robin, près de 15 jours. La bâtie du lépreux était presque entièrement moissonnée. Une catastrophe imprévue eût fatalement amené la famine. Cependant, le couac, bien enfermé dans de vastes jarres de terre, échangé jadis par le vieillard avec les Indiens, n'attendit bientôt plus que l'arrimage dans le canot. Les galettes de cassave, parfaitement séchées, étaient enveloppées dans des feuilles imperméables qui en garantissaient la parfaite conservation. Restait la question de l'approvisionnement du poisson boucané. Elle allait être sous peu résolue. Depuis que ces travaux étaient commencés, Condé n'avait pas reparu. Son absence inquiétait Robin. Le pauvre diable était-il malade? Mort, peut-être? En Guyane, il faut s'attendre à tout. Avait-il réussi à déplacer le chantier et à dégager l'embouchure de la crique? Le lendemain du jour où la préparation du manioc fut terminée, le proscrit eut envie de revoir la pirogue qui avait été habilement dissimulée dans une petite anse sous des lianes et des feuilles. Le lieu se trouvait à peine à 3 heures de marche, une promenade. Il emporta quelques provisions, prit son sabre, s'arma d'un solide bâton et partit au petit jour avec son inséparable Casimir, ravi comme un écolier en vacances. Il s'avançait en devisant presque gaiement, parlant de l'avenir, faisant des projets dont la réalisation était prochaine. C'est ainsi qu'ils atteignirent l'endroit détourné où ils avaient caché la barque, afin de la soustraire aux yeux indiscrets. Casimir proposa une petite course, oh bien courte, sur la crique, et Robin ne crut pas devoir priver le vieillard de cette satisfaction. Ils atteignent l'épais entrelacement de lianes et de plantes, au milieu desquelles la pirogue est amarrée par une forte liane. Le proscrit met la main sur l'amarre fixée à une racine et hale dessus pour faire aborder l'avant. Il ne sent aucune résistance. La liane obéit doucement. Une sueur froide l'envahit soudain, en voyant l'extrémité tranchée comme d'un coup de couteau. Appréhendant une irréparable catastrophe, il s'élance à corps perdu au milieu des végétaux et les sabre furieusement. Un large périmètre est bientôt déblayé. Rien encore. Qui sait, les pluies ont sans doute rempli l'embarcation, elle aura coulé et doit reposer sur le fond de la crique. Il est même préférable qu'il en soit ainsi. Les alternatives de pluie et de soleil n'auront pu la chercher. Robin plonge, cherche, tâtonne, regarde, remonte et plonge de nouveau. Rien. Quelques caïmans s'enfuient effrayés. Le noir fait retentir l'air de cris désespérés. Il s'agite sur la berge, va, vient, écarte les lianes, se glisse sur les basses branches et ne trouve aucune trace. Plus de doute, et le proscrit désolé, mais non abattu, constate que la pirogue a été volée. « Courage, ami, » dit-il au vieillard, « courage, nous en ferons une autre. Nous aurons 3 semaines de retard. Heureusement que nos provisions sont prêtes et en sûreté. » Le retour fut triste. Il s'effectua rapidement. Sans savoir pourquoi, les 2 hommes éprouvaient un impérieux besoin d'être chez eux. Dans quelques minutes, ils seront à l'habitation. Mais quelle nouvelle et terrible surprise leur ménage la fatalité. Quelle irréparable catastrophe va s'abattre sur eux. Une âcre fumée flotte lourdement sur la bâtie. Une insupportable odeur de roussi les prend à la gorge. Robin, d'un bond, se précipite vers la case, enfouie sous les bananiers. Elle n'existe plus. Un monceau de cendres encore fumantes en marque seule la place. Les instruments, les outils, les provisions, patiemment emmagasinées, tout a disparu, l'incendie a tout dévoré. Robin avait dit quelques heures auparavant, lorsqu'il constata la disparition du canot, « Heureusement que nos provisions sont prêtes et en sûreté. » Quelle ironique et cruelle démentie lui donnait tout à coup la fatalité. Jamais il n'avait été si rapproché du but, jamais, depuis le jour de son évasion, il n'avait touché de si près le moment de la liberté sans entrave. Et maintenant, tout était perdu, anéanti. Il avait suffi d'une étincelle envolée sans doute du foyer mal éteint pour faire disparaître en quelques moments le fruit de tant de peines. Non seulement il ne fallait pas penser à quitter de longtemps la colonie, mais encore le premier résultat de cette catastrophe était, à courte échéance, l'évocation du spectre de la famine. Le pauvre vieux noir était tombé du coup dans une prostration profonde. Sa douleur était navrante. Il regardait, hébété, ce monceau de cendres, seul reste de ce qui avait été l'abri de sa triste vieillesse, ses tronçons charbonnés, qui étaient les poteaux élevés par ses mains mutilées, ses débris de poterie noircis, renfermant les provisions, ses outils, fidèles auxiliaires de son travail de solitaire. Il regardait et ne trouvait ni une plainte, ni une larme. Tout autre était l'attitude du blanc. Sa vaillante nature était bien celle d'un homme bâti pour la lutte. Il tressaillit à la vue du désastre, pâlit légèrement, et ce fut tout. Chose étrange et pourtant naturelle, l'embrasement du carbet ne lui produisit pas à beaucoup près autant d'impression que l'enlèvement de la pirogue. C'est que l'incendie pouvait, devait même n'être que l'effet d'un hasard malheureux, tandis qu'il fallait attribuer à une main ennemie l'absence de l'embarcation. Toute la série des suppositions les plus alarmantes s'offrait à son esprit, et quelque peu pessimiste qu'il fût, Robin se trouvait en face de ce double point d'interrogation. Qui a commis le vol, dans quel but? Le surveillant était encore au pénitencier, et d'ailleurs, s'il eût été averti de la présence du fugitif dans le bassin de la crique, il fût arrivé avec une escouade et eût arrêté l'homme sans autre formalité. Le transporté grondait, qui n'avait pas donné signe de vie depuis l'épisode de la lettre. Mais non! Cette supposition était absurde. Il était sincère, ses preuves de repentir ne pouvaient être mensongères, non plus que l'expression de sa reconnaissance. Mais son insistance à empêcher les 2 hommes de quitter leur habitation n'était-elle pas, sinon compromettante, du moins un peu exagérée? Robin se disait qu'il était trop défiant. En somme, le forçat devait être de bonne foi. Les preuves abondaient. Ah, l'Indien! Le misérable peau-rouge pouvait être seul coupable de ce double attentat. Son ignoble passion pour l'alcool, déçue tout d'abord, voulait être assouvie. Son plan était tout simple, immobiliser le proscrit dans la vallée, puis l'affamer. Alors, quand le tigre blanc, au bras terrible, serait affaibli par les privations, quand la case du vieux nègre, cette forteresse défendue par les serpents, serait en cendres, le bon Atouka s'en viendrait avec les mouchets dits Bonaparte, les hommes de la pointe Bonaparte, le tigre blanc serait de bonne prise, et le Kalina s'offrirait une de ses lampées de tafia, comme jamais estomac équatorial n'en a ingurgité. Ce raisonnement devait être vrai comme les choses simples. Il fallait agir. Les regrets étaient superflus, les plaintes stériles. Robin était homme d'énergie et d'action, on a pu s'en convaincre. Ses réflexions, longues à écrire, avaient traversé son cerveau comme un trait de lumière. Son plan fut bientôt tracé. « Casimir, dit-il doucement au lépreux, pâle à la façon des nègres, c'est-à-dire gris de cendre. Casimir ?» Le son d'une voix humaine arracha le pauvre homme à sa torpeur. Il gémit plaintivement comme un enfant qui souffre. « Ah, ah, mon malade, la massa bongé, la mo, mouri !»« Du courage, encore une fois du courage, mon ami. Mo pas pouvait. Blanc, cher blanc, mo, Casimir, mouri là, côté sur la case. » « Je ne peux pas, mon cher blanc. Casimir va mourir là où était sa case. »« Bien, je vais emporter nos outils. Les manches sont brûlées, j'en mettrai de neuf. Je te construirai un carbet. Tu seras à l'abri de la pluie qui recommence à tomber. Je te donnerai à manger. Viens, mon pauvre vieil enfant. »« Mon pas pouvait, » répétait-il plaintivement. « Mon pas pouvait. Mi dédé kaba, mi maman, oh. Je suis mort déjà. Oh, maman. »« Allons, » reprit-il avec une douceur qui n'était pas exempte de fermeté. Tes plaintes ne sont hélas que trop légitimes. Mais ne restons pas ici, il y a un danger réel. Oukaoulé, Kaba, pauvre Kokobé, il n'y pas pouvé sauter. Où voulez-vous aller déjà? Le pauvre lépreux ne peut pas sortir. Je te porterai s'il le faut, mais encore une fois, partons. Oh, moqué aller, reprit-il en trébuchant. Chère bonne créature, il y a vraiment de la cruauté de ma part à le pousser ainsi. Écoute. Je vais te bâtir pour cette nuit un carvet de feuilles, et demain nous irons nous établir dans la forêt, un peu plus loin, mais à proximité de la bâtie. Nous vivrons tant bien que mal avec les ignames, les patates, les bananes et le peu de manioc que nous avons sur pied. Je viendrai aux provisions. Ça même. Ou bon comme bogué. À la bonne heure. Bah, mon brave, je travaillerai comme deux. J'ai bon courage et je suis fort. Rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu, dit une voix derrière eux, mais il faut convenir qu'il y a de fière canaille sur la terre. Robin se retourna brusquement et reconnut Gondé. « Je vois le malheur qui vous frappe. Votre canne disparut. Je me suis aperçu de ça en longeant la crique. Votre abattis ruiné, votre case brûlée. C'est d'autant plus malheureux que la voie est libre. Vous avez réussi, comme je n'aurais jamais osé l'espérer. J'ai trouvé une vraie forêt de bois, de roses mâles et femelles, avec des angéliques. Quel malheur! Oh, tranquillisez-vous. Ils en ont pour plus de 3 mois, et dans 3 mois, vous serez loin. Puissiez-vous dire vrai? J'en suis sûr, et bien mieux que ça, j'ai idée que toutes ces calamités vous seront plus utiles que nuisibles. Que voulez-vous dire? Que la saison des pluies va finir pour 6 semaines à 2 mois, que le petit été de mars va commencer, que les boches et les bonnies vont descendre, que vous trouverez des canotiers, et que pour une pirogue perdue, vous en aurez 10. Quelle confiance puis-je avoir en ces hommes quand je vois l'Indien Atouka, mon hôte d'une heure, qui veut me vendre pour une bouteille de tafia? Les bonnies et les boches sont des noirs. Ils ne sont pas traîtres comme ces vermines de Peau-Rouge. De plus, ils ne sont pas ivrognes comme eux. À peine s'ils boivent l'alcool des blancs. De plus, quand vous aurez pris place à bord de l'un de leurs canots, vous serez en sûreté. Ce sont de braves gens, très fidèles, ne livrant jamais celui auquel ils donnent l'hospitalité. Ça même, dit Casimir, l'y parler bonbon. Alors, votre avis est d'attendre encore quelques semaines ici? Non, pas ici même, mais à quelques centaines ou quelques milliers de mètres. Vous n'avez qu'à construire un carbet en plein bois, à ne pas laisser de traces de votre passage. Pas le moindre coup de sabre surtout. Ces Indiens sont malins comme de vrais singes. Je vous garantis qu'à moins de tomber de la lune ou d'être le diable, ils ne vous trouveront pas. Mais le prix de notre passage dans un canot bonny? Vous avez encore en terre et sur les arbres de quoi nourrir 20 personnes pendant 1 mois? Après la saison des pluies, les nègres du Maroni ont épuisé toutes leurs provisions. Ils sont maigres comme des clous. Vous en ferez tout ce que vous voudrez en leur donnant des vivres. C'est bien. D'autant plus que je ne vois pas pour le moment d'autre parti à prendre. Si je puis vous être bon à quelque chose, disposez de moi. Vous savez bien que je vous suis tout dévoué. Oui, je le sais, Gondet. Et je me fie à vous. Et vous faites bien, allez. Voyez-vous, nous autres, c'est ou tout bon ou tout mauvais. Une fois la route tracée, on va jusqu'au bout. Grâce à vous, j'ai pris la bonne. Vaut mieux tard que jamais. À propos, il y a là-bas, non loin de l'endroit où vous aviez caché votre canot, sur la rive droite de la crique, un taillis immense. Ces fourmis n'y pas laissé tomber une épingle. Impossible d'y tracer un chemin. C'est entouré de milliers d'awaras, dont les épines se dressent comme des millions de chevaux de frise. On n'y peut arriver qu'en suivant le lit d'un petit affluent de la crique, 1 mètre de profondeur et autant de largeur. Ce ruisseau se perd dans une savane tremblante. Derrière la savane, on trouve l'endroit dont je vous parle. Mais cette savane, comment la traverser? Ah, voilà, j'ai fini par trouver sous les herbes et sous la base un chenal solide. Ça doit être de la roche. C'est large comme une lame de couteau, mais avec un peu de bonne volonté et un solide bâton, on peut s'y tenir. Une fois chez vous, c'est-à-dire au milieu de ces fouilles d'herbes, de lianes et d'arbres, c'est bien le diable, s'il en vient vous y dénicher. C'est parfait. D'autant plus que nos courses dans le lit du ruisseau ne laisseront aucune trace. Entendu, nous partons demain. Oui, demain. Reprit comme un docile écho Casimir, que la confiance et le sang-froid de son compagnon avaient déjà rasséréné. « Je vous conduirai, » dit le forçat, en hésitant un peu. « Vous m'autorisez à rester avec vous, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il avec un accent de prière. « Restez. » Le lendemain, les trois hommes quittaient la vallée sans nom. « Bongé, pas où les ou ne sont même au riz côté là ?» dit en soupirant le vieux nègre. « Le bon Dieu n'a pas voulu que je meure là. » Pour être un drôle de pays, vrai de vrai, c'est tout de même un drôle de pays. Des négros en veux-tu en voilà, des arbres sans branches avec des feuilles en zinc comme la cheminée de bain de la Samaritaine, des maisons bâties avec des persiennes, des petites bêtes qui vous lardent du matin au soir, un soleil qui ne donne pas d'ombre, une température de four à plâtre, des fruits, oh, des fruits qu'on dirait des conserves à l'essence de térébenthine. J'avais des engelures il y a un mois. Aujourd'hui, mes oreilles pèlent et je vais quitter la peau de mon nez. Drôle de pays. Une femme en grand deuil, au teint pâle, au trait fatigué, écoutait en souriant tristement cette boutade, envoyée toute d'une haleine, par un grand garçon d'une 20aine d'années, dont l'inimitable accent trahissait un vrai parisien du faubourg. Il n'y avait que ça, continua le jeune homme, des singes, des perroquets dans toutes les maisons, ça braille ou ça dépèse tout. Quant à la langue des indigènes du cru, on croirait entendre un paquet d'Auvergnats parlant du pays. Fouchtra, taki, lougou, lougou, taki. On n'entend que ça. Quant à comprendre, c'est autre chose. Et la nourriture, du poisson, sec comme des semelles de bottes, une bouillie, une espèce de purée qui répugne à la vue et fait hausser le cœur. Partout, tout ça c'est du vrai nanan, en comparaison du bonheur que nous a procuré le voyage. Que d'eau, bon Dieu, que d'eau! Moi qui n'avais jamais dépassé le parc de Saint-Maur dans la belle saison et qui ne connaissais que la Seine à Saint-Ouen. On dit que les voyages forment la jeunesse. J'espère qu'en voilà un qui formera la mienne, de jeunesse. Mais je bavarde comme ce grand perroquet avec lequel j'ai voulu jouer ce matin à pigeon-vol et qui m'a croqué le bout du doigt. Tout ça, ça n'avance à rien. Et je vais rêver les enfants qui ont l'air de dormir, pour tout de bon, dans ces drôles de machines qu'on appelle ici des hamacs. « Mais je ne dors pas, Nicolas, » dit une voix d'enfant sortant d'un de ses hamacs enveloppés d'une moustiquaire. « Tu ne dors pas, mon petit Henri ?» reprit Nicolas. « Moi non plus, » dit une autre voix. « Faut dormir, Edmond. Tu sais bien qu'on dit qu'il faut rester au lit dans le jour parce que sans ça on attrape des coups de soleil. « Moi je voudrais m'en aller voir papa. Je m'ennuie d'être toujours couché. « Soyez sages, mes enfants, » dit à son tour l'inconnu. « Nous partons demain. » « Oh, bien vrai, petite mère. » Que je suis donc content. Est-ce qu'on ira encore sur l'eau, dit ? Hélas oui, mon cher petit. Alors j'aurai encore mal au cœur. Mais après je verrai papa. Comme ça c'est décidé, pas vrai, madame Robin ? Nous quittons demain ce pays de négro qu'on appelle chez nous Suriname, parce que les gens du pays le nomment Paramaïbo. Eh bien, ils ne s'amusent guère en route, nos postillons d'eau salée. Nous partons de Hollande, il y a un peu plus d'un mois. À peine sommes-nous ici depuis 4 jours que, crac ! Appareillage pour voir le patron. Ça me va assez de quitter ce pays. Celui où nous allons ne vaut peut-être pas mieux, mais au moins nous serons famille. Alors, madame, vous ne savez toujours rien ? Rien, mon enfant. Vraiment, il me semble rêver, tant cette rapide succession d'événements a été inattendue. Voyez d'ailleurs comme ces mystérieux amis ont rempli toutes leurs promesses. Nous étions attendus ici, comme à Amsterdam. Ah, comme nous eussions été perdus dans ce pays dont nous ignorons même la langue, sans leur intervention. Le correspondant qui nous a reçus à l'arrivée du navire hollandais a pourvu à tous nos besoins, et demain nous partons. Je ne sais rien d'autre chose. Ces inconnus, polis sans empressement, froids comme des hommes d'affaires, sont ponctuels comme une consigne. On dirait qu'ils obéissent à un mot d'ordre. Ah oui, ceci est à l'adresse du correspondant, qui a des lunettes et une tête de bélier. Monsieur Vendée, ma foi, je ne sais plus. Il ne s'emporte pas, celui-là, mais il est débrouillard comme un vrai juif qu'il est. Enfin, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu à nous plaindre d'eux. Nous avons voyagé comme des ambassadeurs. La faim fera le reste. C'est égal. Remonter encore sur un bateau, jouer à la balançoire russe sans pouvoir s'arrêter, sentir sa pauvre personne secouée comme un panier à salade, ça va encore être gai. Allons, courage, dit en souriant malgré elle Madame Robin, que ses boutades amusaient. Dans 3 jours, nous serons arrivés. Oh, ce que j'en dis, c'est manière de parler. D'autant plus que vous et les enfants, vous supportez assez bien ce train-train, et c'est l'essentiel. Le lendemain, en effet, les 6 passagers s'embarquaient à bord du Tropic Bird, un joli cotre de 80 tonneaux, qui 2 fois par mois fait le service de la côte hollandaise, communique avec les habitants de la rivière de Suriname, ravitaille les hommes stationnant sur le lightship, littéralement bateau-feu, serment de phare et ancré à l'embouchure de la rivière. Le correspondant, nous savons seulement qu'il est un des plus riches négociants israélites de la colonie, a présidé à l'embarquement. Les enfants vêtus de flanelle légère sont coiffés de petits salakos destinés à préserver leur tête des implacables ardeurs du soleil équatorial. Nicolas lui-même a inauguré cette coiffure exotique sous laquelle il ressemble à un mandarin de la foire au pain d'épices. Le capitaine reçoit lui-même ses passagers. Le correspondant échange avec lui quelques mots en hollandais, puis il salue respectueusement Madame Robin et descend dans le canot. L'ancre est dérapée, la marée est étale. Dans quelques minutes, le perdant commencera. L'oiseau du tropique s'incline gracieusement sur sa hanche de tribord, les voiles frémissent, on part. Il est 6 heures du matin. Le soleil rougeoie tout à coup comme une pièce d'artifice qui s'allume au-dessus des rideaux de palétuviers bordant les rives. La ville qui s'éloigne, l'eau qui bouillonne sous l'étrave, les mangliers immobiles sur leur piédestal de racines enchevêtrées semblent flamboyer. Les oiseaux, surpris pour ainsi dire par cette incandescence, s'envolent à tire-d'aile. Aigrette à panache, savacou solitaire, perroquet jaseur, flamant rouge au plumage sanglant, mouette criarde, frégate rapide, tourbillonnent au-dessus du navire et semblent lui faire une conduite accompagnée de souhaits de bon voyage, formulés sur tous les tons et dans toutes les gammes. Le fort d'Amsterdam, avec ses talus gazonnés et ses canons sombres, allongés dans les herbes comme de gros reptiles, disparaît. Les habitations se succèdent avec leurs longues cheminées d'usines qu'empanache un nuage d'opaque fumée. Les champs de canne à sucre, unis comme un tapis de billard, s'étalent alentour avec des tombères tendres d'une douceur infinie. Des nègres, que l'éloignement fait paraître tout petits, regardent passer le Tropic Bird et semblent de grands points d'exclamation. Voici la Résolution, une admirable plantation sur laquelle travaillent plus de 500 esclaves. Voici le lightship avec son équipage noir et son mât surmonté d'un puissant réflecteur. Le pilote descend, reprend sa place sur le bateau-feu jusqu'à ce qu'un autre navire soit en vue. Voici enfin l'océan avec ses eaux jaunâtres, sales, vaseuses, aux lames courtes et dures sur lesquelles le cotre se met aussitôt à danser. Le voyage de la Guyane française à la Guyane hollandaise s'opère avec une grande facilité, grâce au courant d'est-nord-ouest qui éloigne tout naturellement les bâtiments de la région équatoriale. Le retour du Maroni à la rivière de Suriname s'accomplit souvent en 24 heures. On comprend sans peine que ce courant contrarie singulièrement la marche à l'aller. On a vu des navires n'ayant pas le vent favorable rester 8 ou 10 jours et plus en mer sans pouvoir presque avancer. Tel est l'inconvénient dont sont menacés nos passagers. Le courant a 1,5 nœud de vitesse, soit 2778 mètres à l'heure, le nœud étant de 1852 mètres. La femme du proscrit, assise avec les enfants sous la tente de l'arrière, regardait d'un œil distrait le sillage du navire, insensible au tangage, au soleil même, comptant les minutes, franchissant par la pensée le court espace qui lui restait à parcourir. Les 4 petits supportaient assez bien la mer. Il n'en était pas de même du pauvre Nicolas, qui, pâle, livide, exsangue, les narines pincées, allongé sur un paquet de cordages, livrait à la nausée un combat inutile. Le léger bâtiment, bien appuyé par sa voilure, ne roulait pas, mais il tanguait rudement sur les lames courtes, et le Parisien, que ce mouvement abrutissait littéralement, se croyait à chaque instant sur le point de rendre l'âme. Une voix arracha Madame Robin à sa méditation. C'était celle du capitaine. Il se tenait debout près d'elle, son chapeau à coiffe blanche à la main, dans l'attitude du plus profond respect. « Vous portez bonheur au Tropic Bird, madame, car jamais traversée ne s'est aussi heureusement annoncée. »« Mais vous êtes français, » dit-elle, non moins stupéfaite de la correction de cette phrase que de l'accent de celui qui la prononçait. « Je suis capitaine d'un navire hollandais, » reprit l'officier en évitant de répondre à la question. « Dans notre métier, il faut savoir plusieurs langues. D'ailleurs, je n'ai aucun mérite à parler l'idiom de votre pays, mes parents sont français. Or, monsieur, puisque je trouve en vous un compatriote, puisque je suis depuis de longs jours en aveugle cette route mystérieusement tracée, dites-moi quelque chose. Dites-moi comment je dois retrouver celui que je pleure depuis si longtemps. Dites-moi à qui je devrais ce bonheur. Que me reste-t-il à faire? Où me conduisez-vous? Madame, j'ignore d'où viennent les ordres auxquels je suis heureux d'obéir. Je m'en doute bien un peu, mais ce secret n'est pas le mien. Tout ce que je puis vous dire, à vous, la vaillante épouse d'un proscrit, c'est que ce n'est pas sans motif que je commande ici, et que votre mari n'est pas le premier condamné politique qui se soit évadé. Malheureusement, le gouvernement hollandais, qui jadis fermait les yeux sur les évasions, affecte aujourd'hui, dans la crainte sans doute de complications diplomatiques, de confondre avec les criminels de droit commun les déportés politiques. Il les rend à l'administration française. Nous sommes, en conséquence, tenu à la plus excessive réserve et à d'incroyables précautions. Votre mari, madame, devrait être depuis longtemps à Paramaïbo, tandis qu'il vous faut remonter le cours du Maroni bien au-delà des établissements civilisés, attendre patiemment son arrivée, et cela dans de bien difficiles conditions. Oh, la misère m'importe peu, je suis forte. Mes enfants n'ont plus de patrie, ils vivront là où est leur père. Mieux vaut ce pays déshérité que la France qui nous chasse, et que j'ai quitté pourtant les larmes aux yeux. Entre autres précautions indispensables, ajouta le capitaine, ému malgré sa froideur et d'un ton un peu embarrassé, je vous prie, madame, d'user d'un subterfuge destiné à tromper vos compatriotes, au cas où nous serions obligés d'aborder à la côte française. Dites, que faut-il faire? Je suis prête. On s'étonnerait, et à bon droit, de vous voir en pareil lieu avec vos enfants. Il serait urgent, le cas échéant, que je passasse un moment pour leur père. Parlez-vous anglais? Comme ma langue maternelle. C'est parfait. Vous ne direz pas un mot de français. Si l'on vous parle, si par hasard l'on vous interrogeait, répondez invariablement en anglais. Quant aux enfants, votre fils aîné parle-t-il également l'anglais? Oui. Nous tâcherons que l'on ne voit pas les autres. Mon navire s'arrête à Albina, à la factorerie fondée par un négociant hollandais. Sous prétexte d'emmener ma famille en partie de plaisir, voir par exemple le Saint-Termina, je vous confierai à deux hommes de mon équipage, deux noirs, dont je suis absolument sûr. Ils vous débarqueront sur un îlot situé à trois quarts des rapides et pourvoiront à vos besoins. Je ne quitterai mon poste qu'après leur retour et après une affirmation écrite de vous que vous avez retrouvé votre mari. Bien, monsieur, j'ai compris. Je souscris à tout de grand cœur. Quoi qu'il advienne, je ne faiblirai pas. J'ai depuis longtemps dit adieu à la vie civilisée. Elle m'a ravi le bonheur. Puisse la vie sauvage que nous allons mener apporter un soulagement à nos maux, un dédommagement à nos peines. Dans tous les cas, croyez bien, monsieur, vous qui êtes la personnification de nos bienfaiteurs inconnus, que ma reconnaissance est profonde, inaltérable. Où que vous soyez, quel que soit le sort que l'avenir nous réserve à tous, celui qui souffre et qui attend vous bénira, et ces pauvres petits exilés s'uniront toujours à lui dans cette pensée de gratitude. Les proscrits avaient, comme le disait le mystérieux capitaine, porté bonheur au Tropic Bird. Jamais peut-être, de mémoire de matelot guyanais, traversée ne fut plus rapide. Le cotre fila d'une telle allure que 36 heures après avoir quitté la rivière de Suriname, on signalait l'île Clotilde située à l'extrémité de la pointe Galibi qui forme un angle du côté hollandais de l'embouchure du Maroni. Telle est la largeur du fleuve que l'on apercevait à peine la rive française. Le bâtiment, son pavillon à l'arrière, s'engagea dans la passe, franchit la barre, longea au plus près la rive hollandaise et jeta l'ancre en face la poste d'Albina, sans avoir atterri au pénitencier français. Cet ennui, une fois évité, le capitaine se mit aussitôt en quai d'une embarcation indigène. Il la fit recouvrir à la partie médiane d'une sorte de dais en feuilles de palmier qui devait protéger les passagers contre l'insolation et l'approvisionna largement. Par bonheur, un nègre Bonny, qui se trouvait à l'habitation Kepler, allait remonter dans son village, situé à 15 jours de canotage dans le haut du fleuve. Il consentit, moyennant quelques bibelots d'exportation, à s'adjoindre aux deux matelots. Cet appoint d'un homme rompu à la navigation fluviale était une bonne fortune inespérée. Au lieu de 20 heures, on n'en mettrait que 12 pour arriver au Sault Hermina. Pour plus de sûreté, le voyage s'effectua la nuit. Il s'accomplit avec non moins de bonheur que le précédent. Madame Robin et ses enfants, encore tout étourdis de cette fantastique succession d'événements, habitaient depuis quelques heures un minuscule continent à peu près circulaire, de 100 mètres à peine de diamètre. Un véritable bouquet feuillu, ayant sa petite plage de sable fin et sa roche granitique. Les petits Robinson, ravis, emplissaient l'air de cris joyeux. Nicolas, soustrait au mal de mer, trouvait que la vie est une excellente chose. Le campement était installé. Le Bonny avait déjà pêché un aymara superbe qui grésillait sur un brasier. On allait prendre le premier repas quand, du côté français, éloigné de près de 2 kilomètres, surgit un léger flocon de fumée, suivi, à un long intervalle, d'une faible détonation. Un point noir, qui ne pouvait être qu'un canot, se détacha du rivage et gagna rapidement le milieu du fleuve. Une autre détonation se fit entendre et une seconde embarcation s'élança à la poursuite de la première, dont elle n'était séparée que de 300 ou 400 mètres. En pareil lieu, le moindre incident possède une signification. Celui-là prenait aussitôt les proportions d'un événement. Il y avait des fugitifs qu'il importait de reprendre à tout prix, puisque les poursuivants n'hésitaient pas à se servir de leurs armes. Le premier canot grandissait. Il gagnait sur l'autre, mais si peu. Il allait en diagonale vers la rive hollandaise. On vit bientôt qu'il était monté par 2 hommes pagayant furieusement. L'autre portait 4 passagers, dont 2 armés de fusils. Les fugitifs allaient tenter d'interposer l'îlot entre eux et leurs ennemis. C'était la seule manœuvre possible. Madame Robin sentit son cœur se serrer. À quel drame allait-elle assister sur cette terre maudite de la transportation qu'elle foulait depuis quelques heures à peine? Les enfants se taisaient, effrayés. Nicolas tourmentait, assez maladroitement d'ailleurs, les batteries d'un fusil à 2 coups, présent de l'officier hollandais. Les poursuivants, devinant le dessein des fugitifs, tentèrent de leur couper la route. Ils tiraillaient toujours. Leurs armes devaient avoir une portée exceptionnelle, car à plusieurs reprises, les spectateurs épouvantés de cette scène sauvage virent l'eau jaillir près de la pirogue. Elle n'était plus qu'à 100 mètres à peine de l'île. Une balle, mieux dirigée, cassa net le manche de la pagaie du premier des canotiers. Il en saisit une autre aussitôt et recommença de plus belle. Si rapide qu'était son mouvement, on put voir que c'était un blanc. À l'arrière se tenait un nègre, tête nue. Madame Robin vit s'élever comme un brouillard devant ses yeux. Il lui sembla que la voûte du ciel, chauffée jusqu'à l'incandescence, l'écrasait sous son poids. Elle fit quelques pas en chancelant, les yeux hagards, la bouche ouverte, les doigts crispés. Un cri terrible, étranglé, affolé, lui échappa. « Lui, c'est lui, qu'on tue !» Il tomba comme foudroyé sur le sable.